Leçon 2. Différenciation des deux prononciations de E. Activité 2A. 1. Regarde. 2. Bermuda. 3. Mètre. 4. Descendre. 5. Geler. 6. Lunettes.